Déni de mémoire pour un théâtre de rue. Simple question de point de vue. Je déambule l'hospice à la recherche de ma chambre. Je suis celui que l'on délaisse le 25 décembre. J'investis à mon insu dans les fonds de pension. Je suis rempli de sensu, bloqué à 6 de tension. Mon corps se paralyse, je ne ressens plus mes cuisses. Mon capital s'épuise, je ne reconnais pas mes fils. Le préambule de ma mort, chacun attend l'hommage. Pour oublier ses torts, débloquer l'héritage. Voilà ce qui ressort du peu de lucidité que dans mon triste sort. Mes neurones m'accordent ce qui fait peur à mes proches. Hormis ma cécité, c'est que je n'ai plus d'accroche dans leur actualité. Car on a tous ici un problème de mémoire. Je me souviens plus d'enfance, pourtant j'ai répété l'histoire. Je sais qu'à l'époque, on avait tous la gaule. On marchait tous bien droit, du kaki sur les épaules. Mes souvenirs s'arrêtent sur un drapeau français qu'on a levé si haut quand l'ennemi avançait. Le bras bien cadencé, personne se défend. On n'avait rien à penser à l'époque. C'est pas la fleur au fusil qui jouait la première note, mais la grande industrie et le bruit de nos bottes. Enfant de la batterie, comme disait la chanson. Mais combien sont partis sous la tutelle de Babon? Je me souviens plus très bien du pourquoi on est là. Pourquoi des hommes ont écrit, pourquoi je lis tout ça. Quel est super pouvoir qu'on a en pouvoir d'achat. Ils ne se souviennent plus pourquoi on en est arrivé là. Mais le pourquoi du déni est un mal plus profond que ça. Contrôler nos esprits est un business challenge ici-bas. On a tous un problème de mémoire et on ne sait plus pourquoi. Le déni sert leur gloire pendant qu'ils grandissent leur croix. Je me souviens plus très bien du pourquoi on est là. Je me souviens plus très bien du pourquoi on est là. Je lis tout ça. Pourquoi des hommes ont écrit, pourquoi je lis tout ça. J'articule mes discours méticuleux, je le suis. Ni bord ni sourd, je suis le chef de la troupe. Je suis l'émissaire de la NRA en Iran. Je blanchis mes affaires dans un bain de sang. J'essuie les critiques en les rinçant dans un flux de propagande étincelant. Les tyrans que j'accueille s'offrent un compartiment. Je n'éprouve de sentiments qu'au ministère de l'armement. Sans l'avoir créé, je sais qui en est la tête. Je connais son budget, j'y investis la dette. Dassault y a son QG, Leclerc siège à l'AG. Kalachnikov y est sans doute le plus âgé. On a tous ici un problème de mémoire. Je me souviens plus des fous qui ont marqué l'histoire. Ma parole c'est flou, je me rappelle plus très bien qui est Mao Zedong, Hitler, le peuple amérindien. Mes souvenirs s'arrêtent sur un compte saoudien. Ma paraphe à perpète, un silence historien. Le yacht de mes potes, le bois africain. Les peuples qu'on révolte, les régimes qu'on soutient. Voilà ce qui ressort du peu de lucidité que dans mon triste sort. Les affaires m'accordent ce qui nourrit mes proches. Hormis l'avidité, c'est que mon peuple ignore tout de l'actualité. Fils de l'oubli quand il s'agit de ce qui gêne. Déguisent en belle story leur temps béni des colonies. Évangélisés avec leur tas de conneries. La mémoire est sélective à l'image de leur déni. Demande-toi pourquoi le monde aujourd'hui. Les frontières de ton pays, les guerres entre ethnies. Tout cela puise à la même source, celle de l'ignorance de la connerie. Elle est intarissable, ignore tout d'ici. Accable l'étranger au nom de la mère patrie. C'est trop glodite qui se moque de l'autarcie. L'exploitation de l'homme par l'homme ne fait pas débat ici. Pourtant c'est pas le début. L'abolition de l'esclavage m'écoute. Ici, l'Occident vieux le tiers-monde et les actionnaires pris. Même pris en flagrant délit, en avant débile, mettent en avant leur bille. Passant les zéros en euros, gros billets. Ça date pas d'hier, le système est à chier. Alors ma mémoire se fait la quille. Pendant que les cerveaux sous la pression du déni font des vrilles. Je me souviens plus très bien du pourquoi, quoi des larmes.